Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes à notre dernière vidéo cette semaine. Il n'y en aura pas demain. On va terminer notre chapitre 13 et demain, on va commencer une autre section de l'Évangile de Marc. Le soir de la Pâque et sa mort et sa résurrection. Donc, on va entamer une autre partie. Donc, on va terminer le chapitre 13 aujourd'hui et on se revoit lundi. Notre bon Père du ciel, on pourrait dire d'une façon générale, nous connaissons l'avenir, nous connaissons l'histoire du monde depuis le début jusqu'à la fin. Nous savons comment ça va se terminer, par l'arrivée du Fils de l'homme, par le rassemblement des saints et par l'établissement des nouveaux cieux et nouvelles terres. Nous savons comment tu as décidé que le tout se terminerait. Ce n'est pas les hommes qui vont mettre une fin à ce monde, ce n'est pas les guerres, ce n'est pas les bombes atomiques, ce n'est pas les planètes. C'est toi qui vas mettre une fin à ce monde comme tu l'as prédit. Ô Seigneur notre Dieu, nous t'attendons. Nous attendons ton Fils afin que établisse le royaume des cieux qui va te emmener encore plus de gloire, plus de louanges, plus d'adoration, plus de joie, car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu le chapitre 13, si je le résume, Jésus prophétise la fin de ce monde. Les disciples demandent la question, quand est-ce que ça va arriver? Et à quels signes savons-nous que cela arrive? On a vu ensemble que Jésus a donné différents signes. Hein? La séduction, la douleur, la haine, la détresse, les catastrophes cosmiques, le retour du Seigneur, le rassemblement des élus. On a vu ça ensemble. Et on a vu hier, il dit, tirez le son du figuier. Vous voyez les signes s'accomplir? Vous savez que je m'en viens. Tirez le son de cela. Mais soyez certains, peu importe combien de temps ça va prendre, peu importe combien il va se passer d'années ou de siècles, mes paroles vont s'accomplir. C'est pour ça que le croyant meurt dans la foi. Ça fait 2000 ans que les chrétiens meurent dans la foi. Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus revenir sur les nuées. Ils n'ont pas vu le rassemblement des élus. Mais ça va venir un jour. Ça va se faire. Puis ils vont en faire partie. Parce que quand Jésus va rassembler tous les élus, il va rassembler les vivants et les morts. Ce matin, on continue notre chapitre. Et là, il va nous dire de différentes façons, veillez, veillez et priez. Lisons ensemble à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je le dis à tous, veillez. Donc, Jésus termine cet enseignement-là en disant « Veillez ». Il le dit à plusieurs reprises. Il le dit au verset 33, « Veillez ». Verset 34, « Veillez ». Verset 35, « Veillez ». Au verset 37, « Veillez ». À chaque verset, presque, à l'exception du verset 36, il dit « Veillez ». Ici, on ne parle pas de faire des veillées du bon vieux temps ou des veillées à la Rigodon. Il parle de « Veillez ». Dans le sens, attendez, Soyez sur vos gardes. C'est pour ça qu'il dit prenez garde. Veillez. Veillez, ça veut dire ce que tu attends. Nous autres, chez nous, quand on était plus jeunes, quand on était une gang qui était des ados, et qu'on sortait le soir, ma mère veillait. Elle nous attendait. À voir, ouais, si tous les petits poussins revenaient. Puis il y en a des parents encore aujourd'hui qui ne sont pas capables de s'endormir tant que leurs ados ne sont pas rentrés. Ils veillent, ils attendent. C'est ce que ça veut dire. On veille, on attend. On se couche pas, on dort pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne vous trouve endormis. Il dit veillez, veillez, veillez, veillez, veillez. Attendez. Il donne ici, c'est pour ça qu'il donne un exemple d'un maître de maison. C'était courant, ça. C'était du quotidien au temps de Jésus. Puis il donne cette parabole pour les encourager à veiller. Pourquoi qu'il faut veiller? Parce que vous ne savez pas l'heure. Vous ne savez pas le jour. Je n'ai pas besoin de veiller quand je sais à quelle heure tu reviens. Je mets mon cadran. Quand je sais que tu vas venir à 4 heures du matin me chercher, je ne veille pas. Je mets mon cadran à 3h30 pour que j'aie le temps de me lever, de m'habiller et d'être à la porte quand tu arrives. Je n'ai pas besoin de veiller. Je veille parce que je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas le jour. Je ne sais pas le temps que Jésus viendra ou reviendra. Il dit, il en est d'un homme, au verset 34, qui, lui, il va partir en voyage. Il laisse sa maison après avoir donné ses ordres et ses instructions à ses serviteurs et à ses servantes. Il leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça ressemble un peu à l'histoire de Jésus avec les talents, hein? Ça ressemble un peu à ça. On donne aux serviteurs du travail à faire pendant que le maître a quitté la maison et est parti. Ça ressemble à l'histoire qu'on a vue dans Marc de celui qui avait fait une vigne et qui l'avait confiée à des vignerons. C'est un peu la même vérité ici. Et il dit, il indique à chacun sa tâche et il ordonne au portier, le portier lui dit de veiller. Le portier, lui, il est à la porte. Les autres sont dans la maison, au jardin, dans les champs, dans les places qu'au fond, ils font le vin. Ils sont occupés à des choses. Mais il dit, le portier, lui, il veille. Il veille, il est à la porte. Et lui, sa job, c'est quoi? C'est de fermer la porte quand le maître part. Et d'être là quand le maître arrive pour aider le maître à rentrer. Ouvrir la porte pour le maître, prendre les valises du maître et rentrer les valises. Il veille et attend le maître et pour lui ouvrir la porte quand il va arriver. C'est le rôle du portier. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des hôtels ou est-ce que des portiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dehors, à l'entrée ou à l'intérieur d'un petit tambour, puis ils attendent. Ils regardent vers l'extérieur s'il n'y a pas un client potentiel qui vient vers la porte. Ils veillent. Et quand ils voient quelqu'un qui vient vers l'hôtel, ils sortent et ils rouvrent la porte afin de laisser entrer le client. Encore de plus pour le maître ou le propriétaire de l'hôtel. Il dit, toi, fais de même. Veillez, vous autres aussi, au verset 35. Veillez, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Vous ne le savez pas. S'il va venir le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou au matin. Donc, vous ne savez pas à quelle veille il va venir. 9h, minuit, 3h, 6h, vous ne le savez pas. Donc, veillez. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Craignez. Craignez. Tremblez. Ayez peur. Parce que si le maître de la maison arrive et que le portier est en train de faire un party ou qui est parti s'occuper de ses propres affaires. Faisait trop longtemps que tu étais parti, Seigneur. Je t'attendais plus. Je pensais que tu étais mort. Je pensais que tu avais un côté démentri. Tu vas être condamné. Il y a d'autres paraboles qui parlent un peu comme cela. Il dit, le serviteur est en train de boire, son maître ne vient pas. Il dit, qu'est-ce qu'il fera le maître quand il va revenir? Il va châtier ce serviteur. Ici, celui qui ne veille pas, celui qui n'attend pas, celui qui ne persévère pas, celui qui se détourne de la vérité, celui qui se laisse séduire, celui qui veut éviter la haine, la persécution, la détresse, les douleurs, et qui laisse tomber. Dans notre texte, c'est qui dort. C'est le châtiment, c'est la destruction, c'est la perte, c'est le rejet par le maître. C'est ce que je crois que le texte est en train de nous dire ici. Il répète au verset 37, ce que je le dis à vous tous, à tous, veillez, veillez. Ça veut dire « attendez-moi ». Je ne suis pas en train de vous dire là, qu'on ne doit plus se coucher les chrétiens, mais on l'attend. On attend le Seigneur Jésus. On l'attend. À travers les moments faciles comme les moments difficiles. À travers les moments de paix, puis à travers les tremblements de terre. À travers les moments d'accalmie, si je pourrais dire, de persécution, et le moment de haute persécution. Peu importe si Dieu m'a mis dans les temps de famine ou dans les temps d'abondance, je garde la foi, je persévère. C'est que l'apôtre Paul a dit ça, hein, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, je persévère, je continue, j'attends le maître de la maison. Mais il a dit autre chose aussi. Il n'a pas juste dit veiller, il a dit prier. Au verset 33, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous vous souvenez, il va le dire à ses disciples un peu plus loin, le soir de sa mort. Veillez et priez avec moi, afin de ne pas tomber dans la tentation. Il ne prie pas. Il ne veille pas et ne prie pas avec lui. Et il tombe dans la tentation. Il dit, veillez et priez. Priez quoi? Priez quoi, frère et soeur? Priez qu'on n'ait pas d'accident en montant à Montréal? Priez qu'il fasse beau pour notre campagne d'évangélisation? Priez que nos enfants se convertissent. Dans notre contexte, je ne pense pas que c'est ça qui parle. Priez pour que nos finances, priez pour notre santé. De quoi est-ce qu'il parle ici, prier? Je crois que dans notre contexte, prier afin de ne pas être séduit. Prier pour bien comprendre les Écritures. Prier pour ne pas vous faire tromper par les faux Christ, les faux docteurs. Priez de pouvoir d'être soumis et d'accepter ce que Dieu envoie dans votre vie. Priez afin de bien d'accepter le fait que Dieu est souverain dans votre vie et dans le monde. Priez d'avoir la persévérance jusqu'à la fin. Priez que Jésus vienne un jour. Priez que le rassemblement des élus, quand il va arriver, qu'on va être là, chacun de nous. Priez. Priez pour la gloire de Dieu éclate. Priez que le Seigneur nous donne des bons motifs en persévérant. Priez. Priez pour qu'on puisse continuer à proclamer le royaume de Dieu tel qu'il a été annoncé. Priez. Veillez et priez. Jusqu'à mon retour ou jusqu'à la fin de notre vie personnelle. Priez, veillez. veillez, priez. Priez afin de ne pas vous endormir. Endormez-vous pas et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ça va arriver. À la fin de ce discours, Pierre, Jean, Jacques et André, je me demande à quoi ils ont pensé. À quoi ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? En tout cas, moi, à ce que je vois dans l'ensemble de l'Évangile de Marc, ils ont dû dire, mais on s'était planté bien comme il faut. C'est pas ça qu'on pensait qu'il arriverait. Nous qui voulons être les premiers, nous qui voulons être les plus grands, nous qui voulons être assis à sa gauche et à sa droite, nous qui se réjouissions de ces belles grosses constructions, nous qui attendions un Messie avec un royaume pour nous délivrer des Romains, nous qui attendions finalement un petit paradis sur terre, Jésus nous annonce des affaires pas faciles, des affaires difficiles. Frères et sœurs, stimulons-nous les uns les autres à garder la foi. Stimulons-nous les uns les autres à ne pas changer l'Évangile. Parce que vous savez, l'Évangile ne doit pas changer si on veut que les gens soient sauvés et que Dieu soit glorifié par ces gens. Si on change l'Évangile, les gens ne peuvent pas être sauvés. Parce que c'est l'Évangile qui sauve par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est l'Évangile. Donc, si c'est mes paroles qui sauvent, c'est la vérité qui sauve, la vérité utilisée par le Saint-Esprit qui sauve. Mais si je ne les dis pas, les vérités, si je les change, les vérités, parce que j'ai peur d'être persécuté, j'ai peur de souffrir, j'ai peur, ou je trouve ça difficile. Je change les vérités pour attirer les gens vers un royaume qui n'existe pas. Disons la vérité. Jésus lui a dit la vérité à ses disciples. Puis quand il a fini de leur dire, il leur a dit, persévérez jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je revienne et que je vienne vous chercher. Veillez et priez. Veillez et priez. Je vais revenir un jour. Je ne vous dis pas l'heure ni le jour. Mais je vous ai donné des signes avant-coureurs pour vous aider à persévérer dans l'attente du royaume de Dieu, dans l'attente de la gloire de Dieu, dans l'attente de la manifestation de la puissance et de la gloire du Fils de l'homme. Notre bon Père du ciel, nous prions, Seigneur, d'être trouvé par toi veillant. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de passer au travers les difficultés, le rejet, la haine, les douleurs. Nous prions, Seigneur, pour un frère ou une sœur qui serait malade de ou devant la mort, on prie pour qu'il puisse garder la foi jusqu'à la fin. Nous prions que tu nous donnes la force et le courage de proclamer la vérité telle qu'elle est, de ne pas rien changer pour soulager nos peines ou nos maux. Ô Seigneur, garde-nous de vouloir dire aux gens qu'on sait l'heure ou le jour. Donne-nous de rester attachés à toi jusqu'à la fin. Le jour où tu rassembleras les élus de toutes les extrémités du monde et on pourra être ensemble avec toi dans les nouveaux et nouvelles terres, au pied du trône de Dieu pour l'adorer.